Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle d'au moins 1 mètre, réponse A, 1 mètre 50, réponse B.